Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Souvent je me demande mais qu'est-ce que je fous ici. Souvent je me demande mais quels sont mes acquis. Social, citoyen, je me demande si j'en fais partie. Terre d'accueil, mon cul, je demande qu'à partir, c'est sûr. Je pourrais me dire y'a vraiment pire ailleurs. Je suis égoïste, mon pays me pousse à penser qu'à ma gueule. Et les valeurs de la famille, y'a longtemps que je n'y crois plus. Les liens du sang résistent, mais loin, ça ne va pas plus. J'ai de l'orgueil, ça au moins pour trois vies entières. Je deviens fou, moi j'en veux à la terre entière. Car mes prières ne se font pas entendre. Comme un con dans le piège de la mélancolie, je me suis fait prendre. Et je crache mon venin sur cette feuille à chaos. J'ai l'impression que la vie m'en veut et je deviens parano. Je me sens pas bien sous la bannière tricolore. Pas bien, mon esprit s'évade de mon corps. Je me sens pas bien sur cet hexagone. Je me sens pas bien, quel avenir je donnerai à mes morts. J'ai un truc très grave à vous annoncer, ça va peut-être vous choquer, mais bon, je me lance. Je me sens pas bien français. Façon même Gilbert Montagné aurait pu le remarquer. J'ai grandi entre la morgue et la psychiatrie. Il manquait plus que la prison pour avoir mes trois seuls espoirs d'avenir. Le patriotisme, désolé, non, c'est pas pour moi. Ma première dent, elle a été contre l'État, ensuite contre les tasses. Ici on s'attache qu'au fictif, pas de chance, aucun blindé. Dans mon effectif, dans mon quartier, y'a des anges, y'a des diables. Mais Sarko nous fait pousser des cornes, c'est pas une fable. Et s'il y a de la mauvaise graine, c'est que l'État est très mauvais jardinier. Je me sens pas bien sous la bannière tricolore. Je me sens pas bien, mon esprit s'évade de mon corps. Je me sens pas bien sur cet hexagone. Je me sens pas bien, quel avenir je donnerai à mes morts. La douleur.